voulais être vétérinaire. Ça arrive les grandes vacances. À l'époque, il n'y avait pas de colonie de vacances, il n'y avait rien pour les gosses. C'était en 1922, le commerce marchait à plein tube. Le père dit, monte dans l'atelier, tu nous rendras quelques services. Mmh. Bon, puis quand t'es arrivé la rentrée d'octobre, ben tu vois, tu t'es pas déplu, puis tu t'es bien mis au travail manuel, ben tu vas rester. Ma foi, à l'époque, on discutait pas avec les parents, mmh. Je suis resté.